Mais pas du tout. C'est Toff, monsieur, je m'appelle Toff. C'est comment Toff, non, c'est Toff. Mais non, parle. Toff, la voiture. Non, je connais pas la voiture, Toff, monsieur. Ouais, c'est bien comme modèle. Toff, la voiture. Il n'y a pas 36. Hey, Toff, tu connais? Non, je connais pas. Il n'y a pas 36 personnes comme mon numéro, moi. Faut arrêter. Bah, en fait, en même temps, il est dans l'annuaire, madame, donc. On va éteindre, il va me rappeler dans 5 minutes. Ouais, bah oui, parce que là, vous n'avez pas répondu à la question, donc je vais être obligé de vous rappeler. Oui, bah, allez-y. Posez-vous de questions. Bah, je voulais savoir, est-ce que vous aimez le goût du vagin de votre femme? Au moins un autographe de vous. Ouais. La dernière fois, on a perdu l'autographe. Mais quel autographe, monsieur? Je vous ai jamais fait d'autographe. Bah non, mais pas vous, mais peut-être quelqu'un d'autre. Parce qu'on a eu un coup avec mon neveu, avec Énergie. Lui, il a gagné un jeu et tout ça, et puis nous, on n'a rien gagné. Ah oui? Ah oui, ça, c'est scandaleux, ça. Ouais, bah c'est scandaleux, donc vous êtes pareil. Ah bah oui, parce que moi je fais pas gagner de cadeaux, monsieur, moi je vous appelle de ma chambre. De ta chambre? Tu te branles là? Bah non, monsieur, pourquoi vous voulez que je me branle? Bah t'es dans ta chambre. Bah oui, je suis dans ma chambre, mais c'est pas pour ça que je me branle, monsieur, ah ouais, enfin, mais c'est bizarre. Si t'étais avec ma femme, tu te branlais dans ta chambre, avec ma femme. Mais pas du tout, monsieur, enfin pourquoi vous voulez que je fasse ça? Je connais même pas votre femme. Bah vous connaissez pas, vous l'appelez. C'est bizarre quand même. Bah non, en fait, moi je voulais savoir si vous aimez le goût de son vagin, monsieur, c'est ça? Bah bien sûr, tout le monde aime bien ça. Ah bah oui, non mais... Parce que toi t'aimes pas ça, toi? Bah je sais pas, moi j'ai jamais essayé. Maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Hein? Maman elle veut pas que je ramène des filles à la maison, monsieur, c'est pour ça. Ouais, bien sûr. T'as eu le numéro? Et je voudrais bien savoir le nom du mec qui m'appelle, là. Bah Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Vraiment, si c'est Énergie, vraiment, sympa. Je comprends pas, monsieur. Non mais arrête. Tu m'appelles comme un gros con alors. Bah, oui, il a eu. Au hasard, tu t'appelles une personne et si ça tombe sur un mec, tu décroches. Et si ça tombe sur une femme, tu décroches pas. Bah si, je décroche tout le temps, monsieur. Enfin, je comprends pas. Bah t'es dans ta chambre. Tu fais quoi dans ta chambre? Appelle les étrangers. Bah, c'est pour poser une question, monsieur, parce que moi j'aime bien partager des bonnes nouvelles, c'est pour ça. Ah ouais, bonnes nouvelles. Oui, voilà, c'est ça. Super. Bah oui. Et tu fais que ça de ta vie, toi? Ah oui, moi je suis au chômage, monsieur. Bah oui, bah moi aussi je suis au chômage. Et bah voilà. Bonne nuit. Bah oui, mais pour la réponse à ma question. Ah, mais non, mais il ne veut plus parler. L'alcool, c'est mal. Hein. Beaucoup demandent si c'est pas Thierry ou son jumeau. Ah, je sais pas, mais en tout cas. Ça ressemble, bon, on rappelle encore une fois. Il y a quelque chose. Votre correspondant est trop bourré pour l'instant. Veuillez réessayer plus tard. Eh bien, c'est ce qu'on fera. On fera ça dans moins d'une heure. Si vous avez des numéros à proposer d'ici là, vous pouvez les envoyer sur le mail de Toff. Donc, toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming. But a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No, you'll play along, let her lead you on. You'll be saying no. Yes, yes, yes, 'cause she messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho. A little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Grab a cop gun, kinda crazy. She's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho. Vous êtes sur Énergie, on est mardi, j'espère que tout va bien ce matin. Bon réveil, belle journée. Voilà, en attendant de préparer votre bol de choc épique, on se fait Angèle avec Romeo Elvis, The Points Karma juste derrière, et puis le meilleur du Rico Show. C'est à 20h de nouveau ce soir en direct, et puis bah là c'est le meilleur de l'émission sur Énergie. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur Énergie. Je vous ai promis avant ça de vous raconter une histoire complètement folle. Ouais. On parlait de la longueur, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien lorsqu'on fait un one shot, est-ce que plus on la longue, plus on procure de plaisir. Moi je peux vous dire qu'un jour Sylvain m'a invité dans une péniche. Oh. Il m'a invité dans une péniche à Paris, je n'étais absolument pas au courant du dos. Oui. J'arrive premier étage, on est tous en train de boire un petit coup, etc. Ouais. Tout se passe bien, que des gens en costume, 40-50 balais, j'aime pas quoi. C'est passé nickel, et puis la péniche passe et tout. Tout le monde passe à la péniche, elle va sous la tour Eiffel, devant le Grand Palais. Ah, sympa, en plus on n'a pas payé, vous connaissez Sylvain. Donc je me dis, nickel, on va s'éclater. J'arrive, on prend la soirée, on s'amuse, papam. Et il me dit, Sylvain, tu verras le retour, on le fait pas pareil. Je lui dis, c'est bizarre parce que la scène, bon, qu'on la prenne dans un sens ou dans l'autre, ouais. Le retour, on fera pas pareil. Putain, tu m'étonnes, hein. Arrive au Grand Palais, la péniche elle fait demi-tour, elle repart, et là je te vois les types, ils commencent à baisser les falzards. Non, oh là, c'est pas vrai. Bizarre, pas vrai. Oh là là, c'est quoi cette. Je lui dis, putain, je comprends l'histoire. Les types, ils étaient sur le pont, tout le monde avait le pantalon au niveau des genoux. Ouais. Histoire complètement ouf. J'arrive, il me dit, descends, tout ça, putain, je vois plus Sylvain. J'étais plus où il est dans la péniche et tout. Bon, il y a 2-3 gars qui se font faire 2-3. Ouais. Je dis, putain, c'est fou. Je descends la péniche, putain, je vois plus Sylvain. Et là, je le croise nu. Mais nu, non. Mais comme un verre, nu. Et il me dit comme ça, il me dit, bon alors. Et là, putain, j'entends, je vois une gonzesse qui était en train de faire un petit câlinou et tout. Il me dit, je te présente mon ex. Je lui dis, comment ça? Oh. Tu présentes qui? Il me dit, bah tu sais, la nana avec qui je suis resté 7 c'est ans. Comme par hasard, il y avait une soirée cochonne dans Paris où il m'a invité. Putain, c'était pas son ex qui était en train de câliner. Je lui dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Je savais plus où me foutre. Et puis, il se barre et tout. Puis, putain, et je croise 2-3 personnalités dans ces trucs-là, trucs de fou. Ah, hein, je tairai leur nom. Bah, allez, hein, dis. Je tairai leur nom, Jean-Michel Maire. Et ils sont en train de boire on boit des coups et tout. Putain, moi je suis gêné, je sais plus où me foutre. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Sauf que la péniche, elle est à flot. Donc je peux pas sortir. Non, tu peux pas nager. Je peux pas nager. Le truc, il est en train de rouler. Donc le traquin, j'en ai voulu. Hein. Il sait que pendant 2-3 semaines, j'en ai voulu parler. Non, mais il le sait. Il le sait. Non, mais c'est vrai. Au milieu de femmes nues. Oh, il était choqué, notre Rico. Non, mais c'est vrai. Et là, je t'entends une alarme de bagnole. Je lui dis, putain, qu'est-ce que c'est? La péniche, elle faisait bien 35-40 mètres. Un truc comme ça. Putain, au bout, c'était pas le tombeur. Hey. Le tombeur, il était avec une dame, là, ça criait, c'était un cyan. On aurait dit quelqu'un qui essayait de voler une smart. Ah ouais. Mais oh là, je te jure. Tout ça pour vous dire qu'à mon avis, cette histoire, ça doit payer. Oh là, ça a gueulé là-dedans, je croyais qu'il y avait un meurtre dans le bordel. Vu sur la lune, t'es pas, non? Il est vraiment dégueulasse, je vous le dis, les amis, allez. Franchement, celui-là. C'est le pire, gars. Oh. Non, mais c'est le pire des pires, le pire les amis. Au monde. Ah, il est vraiment. Ah, il était comme un poisson dans l'eau, je suis sûr. Lui, il était comme un poisson sale dans l'eau sale. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter, d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.

Et mardi matin sur Énergie, salut tout le monde, bon réveil, on va écouter Ed Sheeran dans la playlist Énergie, Ritza avec Eva Guess juste derrière, et puis bah là c'est reparti le meilleur de Koé, 17h-20h chaque après-midi sur Énergie, il y a 10 000 euros à gagner chez lui à 17h30 dans le Cash Cash Énergie. Bah envoyez Koé au 7-10-12, ça pourrait être cool là, une semaine de Noël. Ed Sheeran, Ritza et puis le meilleur de Koé sur Énergie, c'est la suite. 17h-20h C'est Koé sur Énergie. La quasi des totalités des poissons présents dans les étals des grandes surfaces ne sont pas issus de la pêche durable. Ça voudrait donc dire ne sont pas des poissons qui ont été pêchés en pleine mer. Ce sont des poissons d'élevage et souvent notamment dans des élevages où les stocks sont surexploités. C'est ce que révèle cette étude qui a été faite sur 1134 poissonneries de grandes surfaces. Alors ça ne veut pas dire que les poissons sont mauvais pour autant, hein. Mais ce n'est pas du poisson de pleine mer. Ça veut dire que c'est du poisson d'élevage, donc on lui met 2-3 antibios, on lui met 2-3 petites saloperies dans le truc pour qu'il il a dû manger 2-3 congénères à lui. Ouais. Voilà, c'est comme. C'est peut-être mieux, non ? Ah non, c'est pas il mieux. Il n'a pas de plastique au moins. Ah, il a pas, mais il a tout le reste. Il a, des, il a des produits qu'on lui remet dessus. Ah, non, c'est il pas, grossit trop vite. C'est comme les poulets, les gens qui mangent des poulets en batterie et un poulet d'élevage. Un poulet d'élevage, il est meilleur. Poulets en batterie, ils sont les uns sur les autres. Ils meurent les uns contre les autres. C'est une honte. Des poulets en batterie ? Oui. C'est pas des batteries de voiture. Hein, tu fais comment pour recharger ? Bah, tu mets dans le trou de balle du truc et tu recharges ton téléphone. C'est pas ça, un poulet en batterie. C'est con. Moi, mon iPhone il marche, un poulet en batterie. Écoutez, j'ai un œuf tous les matins et j'ai de la batterie. Qu'est-ce que de quoi on se plaint ? Quelqu'un a un chargeur pour ma poule ? Arrêtez vos conneries. Eh bien, voici la compile de l'extinction des poissons, parce qu'à force, malheureusement, ça va arriver. D'abord, la chanson du petit cabillaud qui se retrouve seul. Où t'es, papa, où t'es ? Bah, voyez, je commence à avoir de la peine. Pourtant, un cabillaud, ça a une sale gueule, mais je commence à avoir de la peine. Où t'es, papa, où t'es ? La chanson du dernier poisson dans la mer. Je vais chialer, moi. La chanson du mauvais pêcheur. Vous savez, à qui on a dit de pêcher juste les gros, pas les petits. Tu es la famille. Ah bah ça va, c'est la famille. Toute la famille. Mais il y a la chanson du bon pêcheur. Lui, il monte sur son bateau et... Il y a la chanson du patron de la grande surface qui vend ses poissons qui viennent d'on sait pas où. Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux. Il y a également la chanson du même patron quand on lui dit qu'il n'y a plus de poissons dans la mer. Quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore. Ça, c'est le problème. Les problèmes ou bien la musique. Il y en a plus, bien sûr. Ouais, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La chanson que les poissons apprennent à pour passer incognito face aux pêcheurs. Ça demande de l'entraînement, mais ouais, ça peut le faire. Michel, tu les pêches pas ? Mais non, c'est des poules. Ah ouais, c'est des poules d'eau. La question, c'est qu'est-ce qu'on va manger quand il y aura plus de poissons ? Un enfant, non. C'est Koé. C'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. I saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you, but ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're

Ça va tout le monde? Pas trop dur le réveil? J'espère en tous les cas, c'est Cédric sur Énergie. On va écouter David Guetta avec Bibi Rexha. Il y aura aussi George Ezra et puis le meilleur de Mickaël sur Énergie comme chaque matin. Et un auditeur nous a appelé, il est pas très très content de son stage. Écoutez. Florian est là. Oui. Bonne ambiance. Bonsoir. Oh, tiens, démarre-toi avec lui. Salut Mike. Muse-toi bien. Ça va Florian? C'est dans le milieu, c'est Ayam. Oh putain. Ouais, mais les gars, vous l'avez chauffé. Mais non. Attends, ouais, chante, bon. Tu la connais un peu, Florent? Je danse le Mia. Je sais plus les paroles. Ah, oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Tu gères les paroles quand même. Hein. Au début des années 80. Je me souviens. Là, j'adore. Des soirées. Sit next to me, Foster the People. J'adore cette chanson-là. Eh ben, on est ravis de l'apprendre. Bon. C'est quoi ça? Mais en fait, pourquoi tout ça? Je sais pas. Bon. C'est vrai que le stage s'est bien passé. Je voulais parler du stage. Bon, bah tant mieux. Bon, qu'est-ce qui t'amène, Florian? Ne perdons pas de temps, ça va déjà être assez bon comme ça. Je voulais parler du stage. Tu vas parler du stage? Ah oui, c'est vrai que t'as fait un stage. Il voulait se barrer du stage. Oui, et ça m'a un peu. Bah, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Et donc, du coup, mais bon, c'est comme le travail là pour moi en fait. Tu as travaillé là pour une manchette? Non, j'ai dit pour moi, c'est que le travail là en fait. Comme je suis travailleur handicapé, je peux aller que là-haut. Bah c'est très bien si t'as déjà trouvé un travail. Bah mais bon, ça me plaît pas. Ah bah oui, mais bon, Florian, on fait déjà celui-là, c'est qu'un stage. Fais déjà celui-là et puis au fur et à mesure, quand t'auras un peu plus d'expérience, tu vas pouvoir te permettre d'aller postuler ailleurs, de faire autre chose, de mieux éventuellement. Mais bah, tu peux pas tout avoir du premier coup. Milieu protégé. De quoi? Non, je sais, mais j'aime pas le milieu protégé. Je préfère ranger les rayons dans un magasin, quoi. Oui, mais c'est une étape. Tu fais ça et puis après tu vas peut-être faire le grand magasin et tu vas progresser. C'est comme tout dans la vie. Tu vas pas devenir directeur de Leclerc en deux jours. Non, je sais. Peut-être mieux pas. J'arrive pas à m'adapter là-haut en fait. Ouais, bah écoute, de toute façon il va falloir quoi qu'il arrive. Soit tu démissionnes, mais c'est con parce que du coup ça veut dire que tu vas repartir à zéro et que t'es obligé de tout rechercher quoi. Non mais j'ai fini mon stage. Le problème c'est que là je dois peut-être embaucher là-haut. Mais j'ai pas du tout envie d'y aller, quoi. Eh ben alors n'y va pas, écoute, si tu veux pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, après, tu sais quoi, Flo, la vie elle est trop courte pour se faire chier, quoi. Franchement, ouais. Vie n'y va pas. Mais bon, c'est que le travail là pour moi et qui est adapté. Et moi, je vois bien, bah, c'est vrai que mon rêve, ça serait de devenir animateur radio. Mais ça, je peux. Ah ouais, mais mec, reste au refuge là. Non, mais après, tu peux très bien trouver genre une petite associative ou des trucs comme ça et faire ça. Pourquoi pas? Parce que en fait. Cap en soi, ils m'ont dit que je dois faire que ça en fait. Quoi, de la radio? Non, ils m'ont dit que je dois aller dans un CAT. Oui, mais c'est pour que tu gagnes ta vie en fait, ils te disent ça. C'est bah pas oui, ils sont là pour t'aider à la base. Et tu peux faire la radio, comme dit Amina, tu peux faire de la radio, oh, Flo. Comme passion. Voilà. Mais tu sais que, mais en dehors de la passion, bon, je vais peut-être pas citer parce que bon voilà, mais check vite fait sur internet, t'as quelques radios qui sont justement pour les personnes handicapées et qui sont animées par des personnes qui ont eu des handicaps, ça dépend. Nous, la teuf, moteurs, on a notre quota, on peut pas faire plus. Et il y en a une qui est très connue d'ailleurs, donc ça devrait pas être trop difficile à trouver. Hein. Donc voilà, on te donnera le nom, Florian, si tu veux, en antenne, comme ça au moins tu vas pouvoir regarder. Excuse-moi, Mickaël. Je t'en prie, qu'est-ce qui se passe? Non, je disais excuse-moi pour avoir ce que je t'ai dit, mais je t'avais vu sur internet avec. Ah oui, non, mais c'est pas grave, Florian. Il y avait longtemps. Non, mais c'est pas grave, Flo, t'inquiète, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé sur internet? Mais non, mais c'est parce qu'il m'a vu dans une radio, dans une autre radio, dans une autre ville. Il a dit, t'as travaillé là-bas. J'ai dit, non, j'ai pas travaillé là-bas. Et puis il me dit, si, je t'ai vu en photo. Oui, mais c'est pas parce que j'étais là-bas en photo que automatiquement j'ai travaillé dans cette radio là-bas. Et donc voilà. Vous avez posé un petit coup de gueule contre les faux comptes et vous commencez à me casser les pieds, bande de faux comptes de merde. Voilà, bande de sales faux comptes, exactement. Tu as bien raison, Florian, de te manifester. C'est quelqu'un qui s'est passé pour toi tout à l'heure. Oui, oh, bah, tu sais, il y en a plein. Il y en a même qui se font passer pour Polo, c'est pour te dire à quel point ça va. C'était marqué Mickaël. Eh bah, je sais bien. Et puis il y a même Mickaël Cadeau et Mickaël Tombola va revenir. Mais je me demande si Mickaël se fait pas passer pour Mickaël. On n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri. Enfin, bon, Florian, allez, tiens-le au jus. Je te repasse Amina de toute façon pour voir, bah, pour te donner l'adresse et les coordonnées de la station là, qui pourrait éventuellement t'aider. Et puis bonne chance, tiens-le au jus, Flo. Ok, merci. Salut à toi. Ciao. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only

Et vous êtes sur Énergie. Salut tout le monde, on est mardi, on est 18 décembre. J'espère que tout va bien, que vous avez bien dormi. On va écouter Marshmello et Bastille dans la playlist Énergie. Gims avec Dadju, le tout nouveau. Et puis le meilleur du Rico Show, on y retourne. 20h, 23h chaque soir sur Énergie. Et on a parlé des petits kiffs de fin de soirée sur Énergie. Écoutez, c'était semaine dernière. 20h, 23h. Connectez-vous. Le Rico Show débarque. La crêpe, il me mettait tous les ingrédients du monde. La chance, vous. C'est vrai. Ah, je te la bouffais. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Bah, j'ai de la chance d'avoir de l'argent comme ça. Oh là là, j'ai pas une thune, moi, cette soirée. Ouais. Ah oui, attends. Non, mais des fois, si c'est le kiff, attends, tu vas pas nous faire pleurer. On peut pas parler de notre McDo parce que t'as fait le crevard à l'entrée, à la sortie, alors qu'aujourd'hui, t'es blindé. Ouais, j'ai pas une thune, attends, monsieur, d'où vous vient cette perruque que vous avez sur la tête? Vous avez une perruque, c'est un toupet. Ça coûte de l'oseille, cette perruque. C'est vrai, vous le verriez, Valérie, tu le verrais. Arrête, il a un toupet, en fait, chez Speak. Il a les cheveux qui font une mèche fois deux de sa tête. Ah ouais. C'est un truc fou. On dirait Marge Simpson, le bordel. Je te jure, c'est horrible. Il y a aussi un autre kiff, les amis, je sais pas, c'est quand tu t'endors tout habillé. Moi, des fois, je lâche l'affaire. Avec la sacoche et tout à l'époque, avec les baskets et tout. La sacoche. T'arrives pas, tu dors, t'es sur le ventre, tu rentres et tu baves. Valérie, non, c'est pas ton délire. Ah, pas du tout. Ah ouais, d'accord. D'accord. Tu te déshabilles, tu te mets dans le jogging, douillet, au chaud. Ah oui, c'est ça. Même si sans jogging, il n'y a rien. Non, mais c'est vrai, il y a Babouchka qui dit, moi, ce que je préfère en fin de soirée, c'est une bonne douche, les croissants, le chocolat chaud et le câlin. C'est vrai que c'est une option, le câlin. Ah oui. Ouais. Ah oui, t'es pas sûr d'avoir ramené quelque chose. Et puis je peux te dire que des fois, y a pas une sensation pire. Je pense que t'as très faim, tu sais, t'es un peu alcoolisé. C'est pour ça qu'il faut le faire avec modération. Tu ramènes ce que tu dois pas ramener, hein, fille ou garçon. Tu ramènes un truc, quoi. C'est compris. T'es une meuf, tu dis, bon, j'ai faim, bon, tu ramènes le gars. Hein, t'es un mec pareil. Et puis après, une fois que t'as fait le câlin, à 6h, il faut dormir. T'as envie qu'elle se barre, mais elle est cuite. Ah là, elle fait un roux, elle sent le poney. Non, c'est vrai. Ou il fait un roux, il sent le poney. L'autre, il dort, il pète. Non, mais je t'explique. Et tu te dis, putain, je suis rentré en soirée, je me suis mis un fardeau supplémentaire. Ah oui, c'est terrible, cette histoire. Mais oui, mais c'est pour ça, quand t'es un petit peu alcoolisé, faut ramener personne ou alors aller à l'hôtel. Ouais, mais il y a toujours une fraction de seconde où t'as envie. Bah oui, évidemment. Et tu te dis, sous le moment, j'y vais, tu fonces. Donc tu signes les deux pieds et les deux mains, et puis derrière, tu regardes. Évidemment, surtout si ça mord pendant les arrêts de jeu, tu vois, la 42e. T'es le roi du monde. T'y croyais pas. Valérie, ça te l'a déjà fait, ça, ou pas? Non. Non, on a pas connu. On a pas connu le petit braquage. Non, mais les gars, quand vous êtes alcoolisés, vous arrivez pas en général, non? Mehdi, ça fait un moment qu'il se saoule la gueule pour pas y aller au mastiff. Avec Coussin, t'inquiète pas, ça marche bien. Bah oui, calme-toi. Ouais, ça dépend si t'es raide. Oui. Tu peux pas, mais sinon. Au contraire, t'es encore plus chaud. Ah ouais? Bah oui, sûr. Vous m'apprenez quelque chose. Faut savoir saisir le moment, ça. T'as jamais compris ces histoires de moment. Il y a toujours une petite limite. Oui, il faut rester bien chaud, hein, Sylvain. Ah, bien sûr. Sylvain, on l'appelle le vin chaud dans le milieu. Il se garde toujours à température. Valérie, est-ce que tu veux un peu de vin chaud? Je sais pas. Valérie, je sens qu'elle est polie. ça veut dire non. Et pour terminer, les amis, je pense que quand tu t'endors, tu sais, au début du trajet, genre t'es en voiture, t'es dans le métro, et tu te réveilles, t'es pile à l'arrivée. C'est-à-dire que t'as pas subi le trajet. Après, t'as des contre-coups. Ah ben moi, j'ai déjà fait 3-4 fois le tour de la ligne. Je peux te dire, j'en ai fait. Ah ben oui. Putain, moi, je me suis déjà endormi dans le métro, tu sais, je rentrais 5-6 heures, je me réveille, et c'était en semaine. Il est 9h15, 8h30, t'as tout le monde. Et en fait, t'as toute la trappe, tu te lèves et tu vois des gars avec des valises, des gars avec des costumes. Les gars vont taffer. Et tu sens que dans la rame, tout le monde te regarde et limite. Personne n'a envie de faire trop de bruit parce qu'ils savent pas si t'es un violent, si t'es un inquiet, si ce que t'es, mais en tout cas, tout le monde. Et tu te lèves, putain, tu t'es dans un autre monde, tu t'es endormi, il faisait nuit, t'étais seul dans la rame, tu te réveilles, il y a tout le monde. Non, mais le pire, c'est pour nous, les nanas. 8h du matin, on a des gueules enfarinées, le maquillage te part pas, et la mini-jupe, les talons de 15 cm, les gens, ils nous regardent. Et ça vous le fait pas, vous vous réveillez dans ces moments-là et vous sentez votre propre haleine. C'est un des rares moments. C'est un des rares moments où vous arrivez à sentir votre haleine. Des fois, vous essayez, tu fais. Sur la main, essaye de voir s'il y a un retour, s'il y a une haleine boomerang. Mais c'est galère. Mais à ce moment-là, tu te sens et même toi, tu te dégoûtes. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai vomi. Il s'est dégoûté. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Sur Énergie. Et je t'ai donné bien plus que ce qu'il fallait. Je me suis bagarré contre.

Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Vous êtes sur Énergie, salut tout le monde. Bon réveil, j'espère que c'est là ce matin, on va écouter Kinvé dans la playlist Énergie. La tournée avec Énergie, là partout en France. Les infos, les résas, énergie.fr. Kinvé pour vous ce matin. Et avant de le retrouver à 17h cet après-midi, voici le meilleur de Koé sur Énergie. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Avant le zap télé de Miko, j'ai un petit supplément, parce qu'on va avoir un petit zap sur la Miss. Absolument. Avec une qui t'a pas convaincu. Non, mais c'est dommage, parce que moi j'aurais voté pour laquelle, elle. Laquelle, c'est laquelle? C'était Miss Languedoc. Fallait pas qu'elle parle, en fait. Oui. C'est ça le souci. Non, bah, fallait pas. Tout non, est tombé. Là. Alors, on écoutera ça dans un sens, c'est un peu dur. Ça. Ah, ben bah, tu entendras alors. Par contre, dans 50 minutes d'une salle, ça c'est un petit rajout, je vous le remets. C'est la sortie du quiz des Miss France. On en a beaucoup parlé. Hein. Oui, et alors, il y a une demoiselle qui a pas bien compris ce que c'était hippique. Alors, tendez l'oreille, parce que elle pense que hippique, elle a pas pensé au rasoir, elle. Elle a pensé au hibou. Mais bon, et c'est surtout le plus drôle, c'est qu'ensuite il y a une question sur un film. Écoutez bien sa réponse parce qu'elle est fantastique. Alors comment s'est passé? C'est elle? Ouais, c'est là. Alors comment s'est passé toi? Hippique, c'était quoi? J'ai mis hibou. Bon, moi j'ai mis le cheval. Il y avait qui a fait le film. Le film Le Grand Bain. Moi j'ai mis Guillaume. Non, c'est Luc Besson. J'hésite un peu. Non, ma chérie, Luc Besson c'est le Grand Bleu. Pas le Grand Bain. Aïe. Le Grand Bain, c'est Gilles Lelouch. C'est, oh, pas, ouais, c'est bête. Hein. Ah, moi, j'avais mis Luc Besson, le Grand Bain. Ah, dommage. Et pour hippique, c'était le moustique. Parce que le moustique, il pique. Elle aurait pu nous mettre Pierre Richard, le grand Bain, avec une chaussure noire. C'est lui aussi, hein, c'est le même AS. C'est toujours lui qui fait les mêmes films. Allez, zap télé, Miko. Vendredi soir, dans Balance ton poste sur C8, il y a un micro qui est resté allumé pendant un sujet sur les attentats de Toulouse. Ça fait pas très sérieux. Petit récap de ce qui s'est passé. Il est 20h52. On est en direct. C'est Balance ton poste. Mardi soir, nos téléphones s'allumaient au rythme des notifications pour nous indiquer des premiers coups de feu en plein Strasbourg. L'assaillant débute son attaque, rue des Orfèvres. Oh non. Oh la violence. Voilà, t'entends juste des rires, bon c'est pas... Ouais, voilà, c'est bête c'est pas... quoi. Non, c'est pas fou. Vérifiez les gars que les micros soient bien coupés. Il n'y a pas la même ambiance. Non. D'un côté, la fête a démarré, de l'autre, c'est pas pareil. Bon, alors on continue avec les soucis techniques, ça se passe sur BFM TV, là aussi problème de micro, avec en plus un mec qui tousse, là c'est la totale. Or, ils sont dans un mouvement qui a tendance à abattre tout ce qui est représentation, tout ce qui, à un moment donné, formalise et structure les choses et enferme dans des mots d'ordre et des slogans. Parce que bien évidemment, et c'est un des points aveugles, hein, je pense, de la démarche qui est engagée par... Excusez-moi, une petite gastro. Monsieur, quand on vous a dit « touche pas dans le micro », il n'y avait pas dans le micro, il n'y avait pas. Hein, c'est... Tout fait. On a de ses nouvelles parce qu'il n'est pas en bonne santé, hein, ce monsieur. Il est en arrêt, en toilette. Et alors attention, ta Miss préférée. On termine avec le discours de Miss Languedoc-Roussillon. Moi, c'était ma préférée, c'était samedi soir sur TF1. Moi, Miss Tahiti, depuis le début, j'avoue, j'ai adoré. Ah, j'avoue, ouais. Vraiment, je l'ai trouvée magnifique et je suis très content qu'elle ait gagné. Bon, et donc... ouais, alors moi, c'était ma petite préférée, mais bon, jusqu'au moment où elle a parlé. Bonsoir. Même si on m'avait prévenu que ce serait aussi impressionnant, je m'attendais vraiment pas à ce point. Je me soucie particulièrement de l'avenir de notre planète. Oh là là. J'ai des rêves plein la tête. D'ailleurs, je compte sur vous, cher public, derrière votre télévision, et vous, membres du jury, à m'aider à réaliser mon rêve. Aïe. Et que je puisse finir. Oh. Cette soirée avec la couronne de Miss France. Oh là là. Elle a dit couronne. Elle a pas dit couronne. Tu sais quoi? On a envie d'aller la chercher. Ah ouais. Moi je m'attendais à ce que Foucault y aille en disant: viens, on va te ramener chez toi, tu vas te sentir mieux. Oh là là. Le 50-50. Oh, comment tout perdre en trois mots? Oh là là. C'est Koé. C'est à 17h. C'est sur Énergie. Et en podcast sur énergie.fr.

sur Énergie. Salut tout le monde, on est mardi, j'espère que tout va bien. Et ce sera une belle journée aujourd'hui pour gagner 50 000 euros grâce à la PLI Suprême Énergie. C'est Manu dans 6-9 sur Énergie qui arrive dès 6h, qui peut peut-être vous la passer ce matin avant 9h30. Et ouais, qui s'est resté bien connecté là toute la matinée sur Énergie. Manu dans 6-9 sur Énergie en direct dès 6h. D'ici là, on se fait le meilleur de l'émission. Bon réveil. Énergie vous souhaite un joyeux Noël. Vive Manu, et c'est ouin ouin. Manu dans le 6-9. Je vous rappelle la liste des personnes avec qui on fait le plus de rêves érotiques. Son partenaire, un ex ou une ex, un ami au hasard, un collègue de travail ou une célébrité. Dans quelle catégorie se trouvent vos rêves érotiques? J'ai fait un rêve érotique avec une ex une fois. Ah ouais. Et en fait, j'avais rompu avec une nana. D'accord. Une semaine après, je fais un rêve érotique avec elle ultra fort. Oh ouais. Et je me dis, putain, merde, je peux pas la larguer. Ah ouais. Je l'ai rappelé et c'est elle qui m'a acheté. Non. Ça a été mon plus gros chagrin d'amour de ma vie. Mais non. Autant vous dire que quand je fais un rêve érotique, j'ai peur. Ouais. Et c'était mieux dans le rêve qu'en vrai? C'est toujours mieux, moi, dans les rêves. Eh ben alors, garde ça en tête. Oh, non, c'est dur. Merci. Wow. Garde tes rêves. Marilyn, bonjour. Bonjour, la compagnie. Bienvenue, Marilyn. Bonjour, la compagnie. Je me suis lancée. Et oui, mais tu as bien fait de te lancer, voilà. Marilyn. Bonjour, la compagnie, à toi aussi, alors. Quel est ton rêve érotique dont tu veux nous parler? Quelle catégorie de personnes, toi, tu as fait un rêve érotique? Alors moi, c'est avec, pas une célébrité, mais deux célébrités. Deux célébrités en même temps? Pas deux célébrités, mais vous allez comprendre. En fait, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec les frères Bogdanov dans une navette spatiale. Oh. Oh. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Les frères Bogdanov dans une navette spatiale. Alors, mais tout est étrange là-dedans. Ouais. Mais la question, la question que tout le monde se pose, Marilyn, c'est est-ce que tu as réussi à les reconnaître? Ben non, absolument pas. Alors, dans mon rêve, ça avait l'air assez évident qui était qui, mais enfin, je sais pas comment c'était. Enfin, voilà. C'est compliqué. Oh. Tu étais seule avec Igor et Grishka? Oui, et oui. Et eux, ça les gênait pas, eux, hein? Bah, j'ai pas l'impression. Hein. En même temps, vous étiez dans une navette spatiale, hein, il y a un moment. Oui, ouais. Voilà. Ouais, tout va bien. Hein, tu te réveilles quand même pas bien de ce rêve-là, je pense. Si tu vas voir un psy et que tu lui en parles, signification des rêves. Le réveil, comment t'étais? Contente ou pas contente? Bah, non, vraiment mitigée parce que, bah, déjà, je les voyais autrement parce que c'est vrai que. Ils avaient été assez performants et que je les imaginais pas comme ça. C'est pas très gentil pour eux. Mais la vraie dernière question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'ils ont le zizi comme leur menton? Oh non. Merci de nous avoir appelé, Marilyn. Vos rêves érotiques vendus? Moi, c'est avec une collègue de travail. C'était dans mon ancien boulot et il y a une nouvelle collègue allemande qui est arrivée avec un accent assez prononcé. Ah, bonjour monsieur. Bonjour Valentin, ouais, exactement. Elle parlait vraiment comme ça. D'accord. Et la nuit suivante, ça n'a pas manqué, j'ai fait un rêve érotique avec elle, mais où elle était habillée en cuir et elle avait une cravache. Ouais, c'est drôle. Et elle me fouettait comme ça. Mais ça, c'est la langue allemande, hein, c'est l'accent allemand. Ouais, alors je vais t'apprendre comment faire le travail. Elle me fouettait comme ça et après j'étais trop gêné, je pouvais plus la regarder dans les yeux. Ah bah après, oui. Quand je suis retourné bosser, j'arrivais plus à la regarder dans les yeux, quoi. Je la voyais vraiment tout de cuir vêtu. Et tu t'es pas dit peut-être qu'il faudrait que je fasse un vrai truc avec elle pour voir Non, c'était pas ma tasse de thé. D'accord, c'était comme ma prof d'allemand à l'école alors. Lola, bonjour. Bonjour Manu, bonjour l'équipe. Bienvenue sur Énergie, Lola. Dans quelle catégorie se trouve le rêve érotique dont tu vas nous parler? Avec quel type de personne? Alors moi, j'ai rêvé que je demandais une augmentation à mon patron. Ah. Et c'est complètement parti en vrille, on s'est jeté l'un sur l'autre. Et le problème, ce qui me frustre, c'est qu'en fait, je me suis réveillée sans savoir si j'avais obtenu cette fameuse augmentation. Ah merde. Ah, c'est dommage. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Et ça, tu vas pas lui demander le lendemain. Excusez-moi, vous auriez pas rêvé qu'on couche ensemble. Non, mais par contre, le pire, c'est que ces deux mois après, en fait, j'ai vraiment dû demander une augmentation à mon patron. Ah, et ouais, quand je suis rentrée dans le bureau, je faisais pas la maline, je serrais les fesses. Ah oui. Oui, enfin, lui, il est pour rien, hein, c'est dans ton rêve. Hein. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand on fait des rêves érotiques, on a un sentiment de culpabilité. Oui, ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais avec ma femme, quand on était ensemble. Quand tu fais un rêve érotique avec une autre personne, ouais. Au réveil, ouais. Tu te sens pas très bien. Ouais, c'est vrai. Et tu peux pas l'avouer, quoi. Non, non. Et puis t'as l'impression qu'elle va l'apprendre. Donc tu c'est vrai, tu le planques un peu et tout. Bah, disons que quand tu travailles le matin et qu'à moi que t'es plus en forme que d'habitude. Bah, alors dis donc. Lola, merci de nous avoir appelé. Belle journée à toi. Merci. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Bon.

Quoi? Ils disparaissent. Les joatsu, c'est les évaporer, ça veut dire en japonais. En fait, c'est un phénomène qui est vachement important là-bas. C'est quand il y a un adultère, un licenciement ou des dettes, et bah, ils perdent un peu la face. Là-bas, il y a une notion de déshonneur qui est très forte. Et qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils préfèrent disparaître complètement de la circulation. Un mec qui est licencié? Ouais, qui peut être licencié, exactement. Ou qui a des dettes, qui ne peuvent pas surmonter, tout ça. Ils vont disparaître et il y a des sociétés spécialisées là-dedans. Des sociétés qu'on appelle de déménagement et qui sont spécialisées, qui te font disparaître, changer d'identité. Oh là là. Wow. Et le mec disparaît complètement. Il abandonne tout. Et il y a des reportages là-dessus, exactement. C'est un sujet qui est vachement tabou au Japon, puisqu'il y a plein de familles, du coup, qui voient leurs proches. Mais attends, mais c'est légal? Disparaître. S'il y a des sociétés qui t'organisent ça? C'est plus ou moins légal, quoi. Mais vu qu'il y a une notion déshonneur qui est très forte, et bah, c'est plus ou moins légal. Faut peut-être prévenir ta femme, quand même, parce que t'imagines, je vais acheter le pain, le mec qui revient jamais. Mais je crois que le truc, c'est ça, c'est qu'ils disparaissent, ils veulent prévenir personne. C'est exactement ça. Et tu peux faire disparaître quelqu'un, par exemple? Tu penses à quelqu'un? Non, je pose la question. Non, ça, je pense que c'est pas. Non, on peut pas le faire. On peut pas le faire pour quelqu'un. Non, ça pour le coup, c'est pas légal. Sinon, je proposais à Paulette d'aller au Japon. Théorie. Une petite dernière. Oui, une info hippopotame pour finir. Oh. D'accord. Le mâle dominant hippopotame se fait arroser de popo par ses dominés. Attends. Ouais, ça t'intéresse d'un coup. Non mais attends, c'est très étrange ce que tu dis. Parce que le dominant qui se fait arroser de popo par les dominos, c'est plutôt les dominés qui s'éclatent du coup. Eh ben non, pas du tout. C'est un comportement qui est classique et en fait, ils vivent en groupe les hippopotames. Classique chez les hippopotames. Oui, chez les hippopotames. Et ils ont une hiérarchie qui est établie et en fait, c'est un rituel de soumission. C'est que le dominé doit éclabousser le museau du dominant en faisant un petit tourbillon avec sa queue pour un peu en expulsant des excréments, en faisant un petit tourbillon avec sa queue quoi, pour l'arroser de son popo. Mais en quoi tu montres à quelqu'un qu'il te domine en lui envoyant du popo dans la tête? C'est un signe de respect et s'il le fait pas, il peut y avoir des combats au lieu quoi. Alors qu'on se mette bien d'accord. Nico, Glandu, Paulette, Isabelle, ne me respectez jamais. Tout à l'heure, 6h, 9h30, Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura.

sur Énergie, c'est Cédric. Salut tout le monde, Vichy dans la playlist Énergie, lance ça dans moins de 3 minutes. Et avant de le retrouver en direct dès 6h et avant qu'il double votre salaire à 7h05 et 8h05 en direct, voici pour vous le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Bon réveil. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Joyeux Noël. Vous êtes une maman et vous êtes une extraordinaire maman, mais parfois... Eh bien, vous n'êtes pas la meilleure maman du monde. Eh bien, venez nous le raconter. 0 870 42 48. On va démarrer avec Séverine. Bonjour Séverine. Salut les wamans. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie. Quand est-ce que tu n'as pas été la meilleure maman du monde, Séverine? Alors moi, je n'ai pas été la meilleure maman quand ma fille a perdu sa dent et qu'on a oublié d'appeler la petite souris pour la prévenir. Et du coup, le lendemain, on a prétexté qu'elle avait eu un accident et qu'elle repasserait le soir même. Ah bah oui. Ah ouais. Mais du coup, elle vous a pas demandé, mais comment tu sais qu'elle a eu un accident? Ben, on lui a dit qu'on avait appelé. Elle avait appelé le matin. Ah oui, parce que t'as le numéro perso de la petite souris. Exactement. Ah ouais, quand même. C'est pratique, ça. Elle a quand même fini par appeler ou elle a encore eu un accident le lendemain ou... Non, là, elle est passée le lendemain et elle a été très très généreuse du coup. Elle lui a donné 500 euros. Pas loin. Merci de nous avoir appelé, Séverine. Quand est-ce que vous n'avez pas été la meilleure maman du monde? Estelle, bonjour. Oui, bonjour Manu, bonjour les Wawa. On t'écoute Estelle et sache-le, nous ne te jugerons pas. Très bien. J'ai pas été la meilleure des mamans du monde parce que j'ai couché mes 4 enfants à 19h pour pouvoir passer une soirée en amoureux et faire un câlin. Oh, mais ça c'est bien, regarde, tu les as couchés à 19h, ça va, ils ont pu faire une bonne nuit de sommeil. Mais ouais, tout à fait. C'est important. On va dire ça. Tu n'es pas qu'une maman, Estelle, tu es aussi une femme. Ouais. Oui, tout à fait. Et vous avez fait votre. Vous avez fait l'amour comme vous le faites maintenant quoi? Une fois par an maintenant? Non. Ah non. Alors, si c'est ton rythme, Manu, c'est pas le mien. Oh, oh, oh, alors, Estelle, je vais dire en ce moment, ouais, c'est mon rythme. Très bien. Mais félicitations. Manu aussi se couche à 19h hein, d'ailleurs, en ce moment. Oui. C'est un grand enfant. Effectivement. Merci de nous avoir appelé, Estelle. Eh bien, Isabelle, meilleure maman du monde ou parfois pas meilleure maman? Oui, je suis pas fière, c'est vrai. Non, en fait, j'étais au téléphone avec une copine que j'avais pas eue depuis très très longtemps et du coup, j'ai oublié d'aller chercher mon fils à la gym. Oh, et il m'a attendu quand même 25 minutes. Ah oui. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que le moment où tu t'en rends compte, tu fais oh mince, t'es mal. Mais heureusement sa prof l'avait autorisé à sauter sur le trampoline en m'attendant. Donc ça allait quand même. Ah, ok. Le mec il va être champion de trampoline. Comment vous êtes devenu champion de trampoline? Bah ma mère voulait pas me chercher. Du coup, j'ai eu le temps de m'entraîner. Hein. Marion, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Tu es une maman parfaite, mais tu as parfois une petite défaillance. Oui, bon, j'avoue, j'ai ma fille qui me ramène 5 à 6 dessins tous les jours de l'école et je n'en garde qu'un. Ah, mais on ne peut pas garder tous les dessins de tes enfants, c'est pas possible. Mais non, sinon, faudrait une pièce pour tout stocker, ce serait compliqué. Exactement, et du coup, après, t'expliques à ton enfant qu'il va dormir dans la poubelle là où j'aurais dû mettre des dessins. Donc c'est compliqué. Mais moi, je vous ai déjà raconté, ma mère, elle avait une pochette où elle mettait mes dessins tous les jours, la pochette. Ouais. Et un jour, quand j'étais plus grand, j'ai ouvert cette pochette qui était vide. Avec tous mes dessins. Oh la vache. T'as regardé aucun dessin de ton enfance? Non, elle doit en avoir gardé un ou deux, mais c'est tout. Alors faut dire que Glandu dessinait des corps découpés. Donc sa mère s'est dit qu'il fallait mieux que la police ne tombe jamais là-dessus. Ça débarrasse. Merci Marion de nous avoir appelé. Merci, bonne journée. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Tired trying to fill that void. Bienvenue sur Énergie, nous sommes mardi aujourd'hui, c'est le 18 décembre, déjà mardi, déjà le week-end. Wow. Comme tu y vas. Tous les matins, je ferai ça. Ouais. Okay. Sauf le vendredi, ce sera le début de la semaine. Soyez les bienvenus, on va démarrer l'émission dans 5 minutes, comme chaque jour. On est là avec vous pour ce petit moment entre nous. Avant, là, à 5h55, pendant que les autres dorment encore, pendant que les gens sont en train de se dire « Oh, je profite de mes dernières minutes de sommeil », et ben bim ouais. Ils ont qu'à dormir tranquillement, laissez-les dormir. Vous êtes peut-être le seul réveillé chez vous dans la maison. Ouais. Laissez les enfants dormir, laissez votre femme dormir, laissez votre mec dormir. On est là.